des fois les week-ends ont commencé. M'envie font t'y monter chérie. Impressionné ou pas qu'à garder m'en danger. A soir à nous pour le faire toujours. M'bafou m'bap tombe d'amour. Et si ou gonne gal dit m'pas jaloux. Ma bon miel pour qu'à prendre goût, prendre goût. Chérie, première fois, ouais, ouais, aujourd'hui, belle affaire, que m'content. J'en ai belle affaire, m'content. Ou fais m'frissonner, chérie, ma vie doudou, m'a gâtant, non. Pas qu'on joue pas penser à vos baby. Ou fais m'pantonnette. Obligé, quoi, c'est bon Dieu qui voyait. Follow me, baby, ma body. Sentir. Chérie, fais-me voyer, chérie, oh. Fais dégâts, chérie, fais-me voler. Voyager, nous sommes dans la tête, ouais. La tête, ouais. Nous sommes dans la tête, ouais. Tête, ouais. Chérie, ma photo nous rivière. Moi, pas qu'à t'attendre. Le condo, s'il vous plaît. Centime